Le rapport au collectif et à la pensée, enregistrement fait lors du mois de mars de l'année 2024. Donc, la capsule audio aujourd'hui va être en relation avec un échange par courriel que j'ai eu avec Francis. Donc, c'est un correspondant là, avec lequel j'ai eu de nombreux échanges qui ont donné place à des capsules audio que j'ai produites là, et rendu disponible sur YouTube. Donc, je vais vous lire des passages qu'il a écrits et par la suite, je vais commenter. Il dit ceci. Tu dois renouveler ton taux vibratoire si tu veux aller plus loin, parler encore, et cela demande de l'énergie, de l'endurance, volonté, force ou je ne sais quoi d'autre. C'est probablement cela que le vieux Bernard savait faire plus que nous. Là, ici, il fait sans doute référence à Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale. Donc, je continue. Défaire, défoncer les barrières psychiques, psychologiques, existentielles, relationnelles. Autrement dit, oublier de penser et juste parler, se fondre dedans. Ne plus protéger son ego, son aura, ses connaissances et sortir des idées nouvelles. Devenir surpris de ce qu'on sait, de ce que l'on dit. De ne pas douter, avancer seul, ne pas avoir peur de faire du mal aux autres ou d'en dire trop ou de mal le dire. Bref, ne pas réfléchir à ce que l'on dit quand on parle. De plus, être docile, docilisé par l'astral, restreint par les contraintes pudeurs de la pensée humaine. Là, j'arrête ici, il doit sans doute vouloir dire ne pas être docile, là, c'est en le sens être soumis à l'astral. C'est la façon que je vois ça, je vais poursuivre. Bref, les lois changent puisque nous ne sommes plus des humains rendus là, mais des êtres de lumière sachant. Mais qui veut vivre dans ce monde comme un sachant? Qui est capable de porter de tout savoir? Donc, j'arrête ici. C'est sûr que quelqu'un qui sait des choses au niveau occulte, c'est pas nécessairement agréable à supporter. C'est entouré de gens inconscients qui ne savent pas ces choses-là et qui ne peuvent pas intégrer ces choses-là car n'ayant pas la contenance psychique requise. Donc, ça amène l'individu dans une situation d'incommunicabilité par rapport à certaines personnes de l'environnement, du collectif dans lequel elle peut se trouver, car pas en mesure de partager des informations qu'ils ne feront pas écho au savoir que les autres ont accès, car étant coupés partiellement ou en totalité de la lumière, de la connaissance et du savoir vibratoire. Donc, je poursuis la lecture. Solitude extrême vient avec pouvoir extrême aussi. Disparition du jeu, mais pas celui des hindous. Pas fuite de soi, fusion. Fusion de soi et de la lumière, pas collusion, fusion. J'arrête ici. Il me fait rire quand il a écrit « Solitude extrême vient avec pouvoir extrême aussi ». Ça me fait penser à une célèbre citation qui est présente dans les films de Spider-Man, donc ce personnage de bande dessinée, où il est question qu'avec des pouvoirs extrêmes vient des responsabilités extrêmes, ou des des super pouvoirs, il y a des super responsabilités, là, ça revient à ce concept-là. Donc, quelqu'un qui a des facultés spéciales, il a des responsabilités spéciales, tout est interrelié. Donc, quelqu'un qui est fusionné, qui a des capacités psychiques que les autres n'ont pas, ben c'est sûr qu'il y a des responsabilités que les autres n'auront pas, un peu comme le parent qui est responsable d'enfants inconscients. Je reprends la lecture. Il dit ceci. « On en perd en crise du temps sur Terre. » On en perd du temps pour les autres, n'est-ce pas? On a cette idée de la communauté, du cheminement ensemble, du collectif qui manifestement retarde notre évolution. On se donne des rôles pour ne plus évoluer dans le fond. Autrement dit, on se fait évoluer ensemble pour ne plus évoluer par nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que le collectif est un frein à l'évolution personnelle. La vraie évolution est personnelle, mes amis religieux. Personnelle. On veut trop pour tout le monde au lieu de se concentrer sur soi. On pense qu'on évolue en équipe, clan et famille. On a la trouille dans le fond. On s'entoure de l'âge comme soi. L'humain est chétif. Dans le fond, on s'en crisse des autres. Mais on les utilise pour évoluer spirituellement au détriment de notre vraie évolution. Autrement dit, on évolue pour ne pas évoluer. Ici, il dit, on évolue entre guillemets. Pour ne pas évoluer, j'arrête ici. C'est sûr que quelqu'un peut se donner l'illusion d'évoluer avec d'autres personnes. Et c'est sûr que l'un des pièges, là, c'est moi qui parle, là, j'ai arrêté la lecture là, d'un de ces messages. Donc, c'est sûr que l'un des pièges qui guette l'individu qui communique, un peu comme je peux le faire sur Internet, c'est avoir l'impression d'évoluer avec des gens ou de faire évoluer des gens, puis de me mettre dans un rôle de sauveur par rapport aux enregistrements que je fais sur le web. Or, je ne joue pas ce rôle-là. Je ne cherche pas à avoir des disciples. D'ailleurs, dans plusieurs de mes enregistrements que j'ai faits dans le passé, je dis aux gens de ne pas croire, mais de vérifier par eux-mêmes si ce qui est dit est réel. Je parle plus dans une optique d'échange, une optique de partage, et j'ai pas une optique de faire du prosélytisme religieux et d'enseigner la sainte évangile supramentale, donc de convaincre les gens. Donc, l'objet d'ailleurs de mes enregistrements vise plus à être descriptif. Donc, puis de toute façon, il y a des responsabilités occultes. T'sais. Si quelqu'un veut convaincre un autre d'un traitement médical, de prendre une certaine injection, si l'injection est néfaste à moyen ou à long terme, ben, il y a une forme de responsabilité s'il a amené les gens à prendre cette substance-là, ainsi de suite. Donc, mon éthique personnelle m'amène à ne pas donner de conseils financiers. J'ai vu souvent des gens sur le web qui disaient à d'autres personnes « Ah, la situation va se dégrader, il va y avoir une crise économique, acheter de l'or. » Ouais, mais si tu dis à quelqu'un ou tu donnes comme conseil d'acheter de l'or et la crise économique ne s'actualise pas dans les prochains mois, puis la valeur de l'or descend, ben la personne a une forme de responsabilité. Même chose pour les gens qui vont dire d'acheter des actions ou de liquider les actions que les gens possèdent à la bourse pour acheter de l'or. Donc, tout ça... ça peut être très lourd de responsabilité, au même titre que donner un conseil financier un conseil financier au même titre qu'un conseil médical, devrais-je dire. Quelqu'un qui va dire à l'autre, tu as un problème de santé, tu as juste à boire ton urine, puis le problème va se régler. Si la personne boit son urine ou elle fait ça pendant un certain nombre de jours ou elle pratique le jeûne, encore pire le jeûne, si la personne n'est pas prête à faire un jeûne ou est trop faible sur le plan psychiquement, sur le plan physique, pardon, pas psychique. Bon, mais il y a des gens qui peuvent mourir de dénutrition parce qu'ils n'ont pas assez de réserves de graisse pour tenir le nombre de jours de jeûne requis. Donc, quelqu'un qui s'apprête à faire un jeûne de 40 jours, puis la personne est déjà mort, maigre comme un squelette, ça risque de ne pas être évident, là. Donc, il y a des gens qui vont faire la promotion du jeûne, alimentation végétarienne, de différentes choses sur le web. S'ils cherchent à imposer ça, ben c'est lourd de responsabilité. En ce qui me concerne en tant qu'individu, je ne demande pas aux gens de me croire. Puis, en fait, en lien avec la question de l'évolution dans le rapport au collectif, en lien avec son propos, donc lui... Il dit que l'idée de cheminer ensemble, de faire évoluer le collectif, ça retarde l'évolution. En fait, ça peut être très retardataire, en effet, si la personne, dans le fond, va chercher à faire du social au nom de l'évolution puis se donner l'illusion qu'elle avance. C'est pas parce que la personne discute avec d'autres personnes de conscience sur le web que ça veut dire que ça participe automatiquement à une montée en vibration. Certes, dans certains cas, le collectif peut être utile. D'ailleurs, il y a des gens qui, par exemple, ont arrêté de prendre la drogue, qui ont des problèmes de dépendance aux jeux d'hasard, et là, ils vont aller à des rencontres. Prenons, par exemple, le mouvement des alcooliques anonymes. Bon, ben, ça peut être utile pour quelqu'un qui arrête de prendre de l'alcool, d'aller à des rencontres, faire des partages, discuter avec eux en groupe, et se sentir soutenu par le collectif. Donc, à un certain niveau de développement, pour maintenir la sobriété et de ne pas retoucher à l'alcool ou de retoucher à la drogue, ça peut avoir une utilité. Par contre, ce qu'il faut toujours mettre en contexte, c'est que ce type de collectif a des limites parce que fréquenter un groupe d'alcooliques anonymes ou d'autres formes de groupes à caractère thérapeutique, ça ne permettra pas nécessairement à l'individu d'accéder à une conscience vibratoire. Quoique la personne, si elle fréquente un groupe de soutien pour se libérer de la dépendance aux jeux compulsifs ou de la consommation d'alcool ou de drogue, c'est pas nécessairement sa visée. Il faut toujours contextualiser les choses. C'est pas nécessairement son objectif. Mais c'est sûr qu'au niveau dans le rapport avec le collectif, la conscience individuelle ou supramentale, c'est une affaire d'abord individuelle. Toute personne qui dit « je vais aller participer à un groupe pour parler de conscience dans l'optique que ça va me permettre d'évoluer », c'est plus un mouvement d'ego. La personne peut certes suivre un mouvement vibratoire qui l'amène à discuter avec d'autres personnes, c'est un mouvement qui est différent. Donc, quelqu'un qui réfléchit au désir d'évoluer parce qu'il a envie, entre guillemets, quelqu'un qui évalue comme étant évolué, parce que la personne a un taux vibratoire élevé, puis en tant que désir, elle cherche à y ressembler. Ça, c'est un piège de l'ego qui se compare à autrui, qui est dans une dynamique psychologique de la comparaison. Mais bref, pour se détacher du collectif, oui, souvent les gens veulent trop pour les autres. Donc, ils veulent amener les gens à évoluer, puis là, ils deviennent des petits maîtres de spirituels de d'autres personnes en leur disant quoi faire, quoi ne pas faire, puis là, ils tombent dans de la moralisation. C'est un des pièges qui guette tout individu qui fait de la diffusion sur le web, c'est clair. Ou qui veut parler de conscience, c'est sûr. Je vais continuer à lire et à commenter son propos. Il dit « On s'affaire à croire des affaires. Pas étonnant que les forces nous coupent et nous coupent quand elles jugent que c'est assez. On ne veut donc pas évoluer parce qu'on les perd tout au niveau de nos égos. La personne qui me dit qu'elle veut évoluer, je l'emmerde. Elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est comme une personne qui dit qu'elle veut gagner 10 millions à la loterie. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne connaît pas l'expérience d'être riche et de se faire arnaquer, quémander, gérer les gens malades autour de soi qui ont besoin d'argent pour se faire soigner ou étudier, placer son argent, prendre des risques ou se cacher. Bref, les gens se font des histoires. Je me fais des histoires, on se fait des histoires. On est conditionné à contrôler nos vies. On n'a aucune confiance dans ces forces-là. J'arrête ici la lecture. C'est sûr que quelqu'un peut vouloir être multimillionnaire, mais il n'a peut-être pas la conscience des implications que ça a. Souvent, on voit le côté qu'on veut bien voir par rapport à quelque chose qu'on désire, mais en réalité, il peut y avoir des côtés négatifs très présents. Puis des fois, ça peut être plus désastreux qu'utile, dans le sens que quelqu'un qui va gagner 10 millions de dollars à la loterie, ça se peut que ça détruise par la suite tous les liens qu'il y a avec les membres de sa famille parce que il va y avoir des conflits qui vont se créer. Si la personne veut garder son argent, puis là, il y a des membres qui lui quémandent de l'argent, puis là, elle veut pas leur donner, il y en a peut-être qui vont lui dire, ben, tu vas me donner de l'argent ou sinon on se voit plus, et ainsi de suite. Ou elle peut se faire voler de l'argent par des membres de la famille ou exploiter. Donc, alors qu'elle avait des relations équilibrées au préalable ou relativement harmonieuses. Donc, des fois, l'argent fait ressortir le pire au sein d'individus. Et là, à ce moment-là, la personne se fait vampiriser par d'autres personnes et elle voit la nature très astrale ou dominatrice de certaines personnes qu'elle ne pouvait même pas à peine entrevoir alors qu'elle n'avait pas autant d'argent. Bref, des fois, dans certaines situations, avoir de l'argent, ça empire le rapport aux autres. Faut pas le sous-estimer. Et souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est sûr. Les gens peuvent se raconter des belles histoires. Si je serais riche, je ferais ci, je ferais ça. Mais en réalité, tant qu'elle n'est pas riche, elle ne peut pas le savoir concrètement qu'est-ce qu'elle ferait réellement là, par rapport avec l'argent qu'elle aurait. Bon, je vais continuer à lire. Il dit... Ah ouais, c'est ça. Il dit « On n'a aucune confiance dans ces forces-là. » Ben, j'arrête. C'est-à-dire, si on parle des forces en tant qu'être sur le plan éthérique, c'est intelligent de ne pas avoir confiance aux forces dans le sens qu'il ne faut pas les croire parce qu'on peut être manipulé autant qu'on peut être manipulé par le plan astral ou le désir. Mais encore là, si on ne les croit pas, les gens vont dire « Ben, ça sert à quoi de transiger avec des forces? » C'est de bénéficier de l'intelligence. Mais pour bénéficier de l'intelligence, il faut être capable de la reconnaître, c'est-à-dire être soi-même intelligent. Mais pour être soi-même intelligent, il faut avoir été modifié sur le plan vibratoire par rapport à ces forces-là. Donc, c'est circulaire, c'est pas évident, puis on n'a pas de libre arbitre par rapport à ça, ce qui fait que l'individu qui est très intelligent, c'est à cause d'une programmation qui vit, puis celui qui ne l'est pas, c'est à cause d'une programmation, puis il y a comme, si je parle au niveau vibratoire, il y a comme une fatalité derrière ça. On est ce qu'on est, hein? On va poursuivre la lecture. On ne se laisse pas faire. On veut leur expliquer comment ça marche, la blague. On est arrogant, prétentieux, naïf et j'en passe. Imbécile surtout. Close sans vision. On veut dire à l'évolution comment ça marche, comment fonctionner. Lol de lol, c'est, ça veut dire rire. On a été tellement coupé qu'on se sait seul au monde, abandonné, oublié. On a du chemin à faire pour accepter leur présence, leur influence, leur réalité. Pas étonnant qu'ils ne veulent rien nous donner, aucun pouvoir. On est trop fous. Là, il fait sans doute référence aux forces de la lumière. Je continue. On voit un film de science-fiction et on s'en remet difficilement, si tu vois ce que je veux dire. On a cette peur de perdre le contrôle de nos vies. La blague. Quelle vie? De quoi parle-t-on quand on dit « ma vie »? On pense qu'on est seul et qu'on la gère et qu'eux ne sont pas là, c'est ça? On ne serait là que très peu, très très peu. On se casse la tête en tabarnak pour rien en tout cas, puisque c'est eux qui gèrent tout. On a juste été si coupé longtemps qu'on gère tout en circuit fermé dans notre cagoule interne comme des idiots. Des hommes préhistoriques, des cavernes, qui découvrent le feu. On pense qu'on est seul dans l'univers, n'est-ce pas? Que les choses n'ont pas de sens et qu'elles vont nulle part. Là, j'arrête, mais c'est sûr que les gens qui sont athées, qui croient au hasard, qui sont matérialistes, ils vont pas donner un sens transcendant ou immanent à l'univers. Il n'y a pas la notion de dessein intelligent ou de force intelligente qui pilote l'évolution des êtres sur le plan physique. Mais il soulève des points intéressants dans le sens que nous, en tant qu'êtres humains, souvent on a peur de perdre le contrôle de notre vie, mais la peur de perdre du contrôle de notre vie, si je me permets de commenter ainsi, c'est en relation avec l'illusion du libre-arbitre, parce que si la personne est consciente qu'elle n'a pas de libre-arbitre, mais elle ne peut pas perdre le contrôle, elle ne peut pas avoir... la peur de perdre le contrôle de sa vie parce qu'elle est consciente qu'elle ne contrôle pas sa vie. Donc, quand on le voit comme ça, c'est assez particulier. Donc, pour lui, c'est une blague. C'est sûr que, dans le sens, la peur de perdre sa vie, quand on prend de l'étudier ou le temps de la déconstruire, on se rend compte que c'est tout simplement une illusion, c'est pas réel. Parce que peur de perdre le contrôle de sa vie et sous-entend qu'on contrôle notre vie, mais on ne la contrôle pas d'une manière absolue. Parce que si on contrôlerait notre vie d'une manière absolue, je pense qu'il n'y aurait pas de gens qui auraient des problèmes de pauvreté, qui seraient victimes de violences physiques ou qui se feraient exploser avec des bombes. Les gens qui seraient bien heureux, il n'y aurait pas de ce type de comportement-là. Donc, ça, c'est ma perspective. Je vais continuer à lire. Il dit « Penser, c'est s'assurer de ne rien comprendre. Penser, c'est ne rien voir, ne rien savoir, ne rien comprendre. C'est mettre une nappe blanche sur tout, recouvrir tout, amoindrir tout. Chétif sommes-nous. » J'arrête ici. Des fois, j'aime pas son propos parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de mépris par rapport à l'être humain ou l'individu en voie d'évolution en disant qu'il est chétif, il est faible, etc. Certes, l'être humain a des faiblesses, mais il ne doit pas être méprisé en tant qu'être en voie d'évolution ou qu'il y a un potentiel. Donc, il est sévère. Je trouve qu'il porte... Francis, s'il m'écoute présentement, je trouve des fois qu'il porte un jugement sévère par rapport à l'être humain, un jugement qui est dur. Un regard qui est exigeant. Et on ne peut pas exiger à la perfection de l'être humain. Bien qu'il soit perfectible, compte tenu précisément du fait qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Puis dans un sens, la critique est vaine. C'est comme, par exemple, si on critiquerait un enfant de ne pas être capable de faire de la physique quantique et des équations mathématiques complexes, alors que l'enfant est encore au premier stade du babillement, puis il n'est pas capable de parler. Bon, il faut y aller étape par étape. Ou c'est comme si on critique un enfant qui écrit en faisant des fautes, mais il n'est pas encore rendu à écrire des romans. Là. C'est sûr que, tu sais, il ne sait même pas encore parler, disons, un enfant de quelques mois. C'est comme illogique, chaque chose en son temps. Donc, le regard que j'ai par rapport à l'humanité, dans un sens, j'évalue qu'il doit être plus indulgent, parce que si on compare les êtres humains en voie d'évolution à des êtres initiés, si on compare l'humanité en général, ben c'est sûr que c'est insatisfaisant ou ils ne répondent pas à des critères de développement élevés, c'est clair, mais chaque chose en son temps. Donc, c'est sûr que la base de la conscience nouvelle, c'est de réaliser que de penser dans le sens de réfléchir, c'est inutile. Mais c'est très, très, très, très, très, très, très, très dur à intégrer. Pourquoi? Parce que tant qu'on vibre à de l'émotionnel, à de la peur, entre autres, on peut avoir tendance à réfléchir. Quelqu'un, par exemple, peut avoir de la facilité à prendre des décisions. Quelqu'un, par exemple, qui fait de la gestion du virtuel. Quelqu'un qui fait, par exemple, la gestion d'un portefeuille, des fins d'entraînement en termes de gestion boursière virtuelle, puis la personne a un compte avec de l'argent virtuel, mais c'est en lien avec des types réels. C'est une simulation. C'est un logiciel de simulateur. Là, la personne peut dire, OK, aujourd'hui, j'achète pour 20 000 $ d'actions par rapport à une multinationale. Et bon, quelques jours après, la valeur de l'action est à la baisse. Bon, c'est une simulation virtuelle. La personne ne vibre pas autant émotivement que si le 10 000 $ ou le 20 000 qu'elle prend font en 3 000 $ là, quelques jours après, parce que l'entreprise vit une crise, étant donné qu'il y a un scandale qui a éclaté par rapport à elle. Et là, dans les médias, on parle d'elle comme étant mauvaise et son image est ternie. Donc, les investisseurs veulent se retirer d'elle. Veulent tout liquider leur stock d'inventaire d'actions. Donc, en simulation, ça affecte moins émotivement, mais si c'est de la vraie argent, c'est une autre paire de manches. Ou ça me fait penser à une personne qui va aimer jouer au Monopoly, elle prend beaucoup de risques, elle va hypothéquer des terrains pour faire construire des maisons, pour faire construire des hôtels, mais dans la vie, elle ne prend aucun risque au niveau financier en termes d'investissement. Donc, pourquoi? Ben, des fois, les gens sont plus audacieux dans le virtuel que dans le réel. Donc, la raison, ben, c'est quand c'est le réel sur le plan physique, c'est plus lourd de conséquences et les gens peuvent avoir tendance plus à se réfléchir, alors que dans le jeu, est plus spontané. Elle ne vibre pas à la peur, elle prend des décisions, puis des fois, elle fait beaucoup d'argent parce que quand elle joue au Monopoly, le but, c'est par rapport à ce jeu de société. C'est d'en venir au monopole, c'est-à-dire tout posséder les terrains, tout posséder les maisons, tous les hôtels. Donc, une personne qui, dans le quotidien, est insécure, a de la difficulté, par exemple, elle ne fera pas des placements immobiliers, mais elle en fait beaucoup, puis elle a même une perspective très ambitieuse, puis un jeu très agressif, ça tranche. Mais c'est la peur qui a un impact dans la façon qu'on gère nos finances, on gère nos vies, etc. Mais pour en venir au principe de la pensée, parce qu'il disait, je trouvais ça très intéressant, je vais le reprendre puis le décortiquer avec vous, puis je peux commenter en utilisant mon crayon. J'ai un crayon avec une feuille, puis je fais des barres de gauche à droite, puis des fois, des idées intéressantes qui peuvent émerger. Donc, il dit, penser, c'est assurer de ne rien comprendre. Ce que ça me dit, c'est la pensée, la pensée réflexive, c'est de la désinformation. Donc, ça permet pas à l'être humain d'accéder à une conscience vibratoire, ça brouille. C'est comme de l'eau boueuse qui nous empêche de voir le fond de l'eau, c'est-à-dire la source qui est derrière, ben, qui est à la base. Ils disent, penser, c'est de rien voir, ne rien savoir, ne rien comprendre. Ce que ça me dit, c'est que penser, c'est une forme d'aveuglement. Réfléchir, c'est une polarisation de l'ego qui l'empêche d'être à l'unisson avec une compréhension actualisée en son sein du multidimensionnel. Ensuite, il dit, c'est mettre une nappe blanche sur tout, recouvrir tout, amoindrir tout. Donc, la pensée, dans un sens, ça rend les choses occultes, ça voile. La réflexion voile le réel. Penser, c'est mettre des formes entre soi et le réel, plutôt que de saisir la réalité dans son essence énergétique. Bon. Donc, c'était des considérations par rapport à la pensée et également le rapport collectif qui était l'objet de cet enregistrement. Donc, je vous ai partagé là, des propos tenus par rapport à ça là, que m'a partagé Francis de Montréal, donc que je salue et que je remercie. En ayant le crayon à la main, je vais regarder s'il émerge en moi d'autres idées en lien avec les sujets à aborder. Ah, ce que ça me dit, c'est que tant que l'individu s'identifie au collectif, il va réfléchir. La pensée réflexive et collective vont de pair. Parce que c'est des façons où l'individu se relie à des éléments extérieurs, comme par exemple la pensée réfléchir, c'est qu'on prend un élément qui émerge, une idée, puis on en fait une mémoire qu'on va traiter, qu'on va remâcher. Le ciment de la collectivité en termes de croyances et de valeurs culturelles, c'est en relation avec l'activité de la pensée réflexive. La pensée réflexive est comparable à une toile d'araignée. Plus on remâche les mêmes idées, plus on s'enlise dans la toile, plus on est piégé par elle, puis plus c'est difficile de s'en sortir. Plus on devient rigidifié, fossilisé. Et le cumul de pensées mémorielles associées à un collectif englue les individus liés à ça dans une toile réflexive associée à des consensus d'individus appartenant à une collectivité qui vont donner de l'importance. Plus l'individu est attaché à une collectivité, moins l'individu peut penser en dehors d'elle et accéder à une conscience vibratoire. Ce que fait éclater la pénétration de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu qui l'amène à connaître une réinvention de lui-même, une conscience créative, ce que ça fait, c'est que ça fait éclater des formes qui lient au collectif. Plus la personne est individuée, plus elle est détachée du collectif. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne respecte pas pour autant le collectif puis elle méprise. Il y a une nuance à faire. Donc, parce que des fois, il y a des gens qui s'individualisent, puis ils vont tout ça dans leur coin en disant « Chris, moi, je suis intelligent, eux autres, c'est une gang d'arriérés psychiques en voie de développement. » Il ne faut pas avoir du mépris par rapport aux êtres humains. Chaque chose en son temps. Ça prend de la patience. Bien, de la patience, ça dépend de ce que la personne a à faire. Là, c'est pas tout le monde qui a éduqué des enfants peut être patient pour... partager des informations à caractère initiatique à des enfants au moment opportun. Non, l'individu n'a pas à être patient par rapport à une attitude psychologique. Vous voyez, ça serait juste. Non, l'individu a à transiger avec la vibration de ce qui est intelligent à faire, puis c'est pas lui qui le décide en réfléchissant, donc c'est là. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, il n'y a pas besoin d'y penser. Ce qu'il a à faire, il sait, sauf s'il fait semblant de ne pas le savoir, puis il se voile ça. Mais plus qu'un individu est affilié au collectif, plus qu'il peut être déconnecté de lui-même, car son attention est polarisée à attendre des commandes du collectif, plutôt qu'être en relation avec ce qui émerge en son sein en tant qu'être individué, ce qui est très différent. Est-ce que le collectif, le rapport au collectif ou l'affiliation de collectivité est propice à être libre du phénomène de la pensée réflexive? Pas du tout. Parce que le collectif est nourri, est alimenté par la pensée collective qui amène à créer, par exemple, les mythes culturels associés à un peuple, les valeurs de référence. Donc, comme, par exemple, si quelqu'un vit au Québec, l'une des valeurs de référence, c'est l'égalité homme-femme. Et si la même personne vit dans un autre pays ou si la personne est au Moyen-Orient, ben ça se peut que le rapport homme-femme soit différent. Pourquoi? Ben c'est à cause... De la liaison psychique d'individus par rapport à certaines mémoires qui vont les définir. Ben, la conscience supramentale, c'est une sortie individuelle d'une appartenance à une collectivité. C'est la mise à fin des différents liens qui unissent l'individu au collectif. Non pas parce que l'individu méprise le collectif, mais parce que l'individu ne peut pas en faire autrement Parce que sans ça, ça bloque ces liens-là, son expression énergétique, ça bloque le réel de son être dans son expression. Ça devient un retardataire pour lui d'être lié à un collectif. L'individu conscient aussi peut avoir à composer avec un collectif, dans le sens que quelqu'un peut, au niveau psychique, être détaché d'un collectif, puis être capable, pareil, d'interagir avec des gens sur la rue, puis de les saluer, là. Sinon, pour ce qui est du rapport de l'évolution par rapport au collectif, est-ce qu'il y a d'autres éléments à rajouter? Je regarde qu'est-ce qui émerge. L'évolution vibratoire au second niveau du passage d'une conscience astralisée à une conscience supramentale n'a aucun rapport avec le lien au collectif et dans le fond, quelqu'un ne peut pas s'affilier à d'autres personnes pour évoluer dans cette perspective-là. Si quelqu'un s'affilie avec d'autres personnes en croyant que ça favorise son évolution individuelle d'être lié à du collectif, il ne réalise pas la contradiction fondamentale dans laquelle il s'installe. Par contre, l'individu peut convenir vibratoirement qu'il a composé avec d'autres personnes, mais compte tenu de son évolution individuelle, ce qui est plus subtil. Mais ça ne sera jamais pour se rallier à des valeurs collectives, des croyances, un récit commun, à une idéologie, à une doctrine. L'individu nouveau qui bénéficie d'une conscience supramentale et par-delà la doctrine et l'évolution ne se refera pas avec un nouveau cadre politique. C'est pas l'émergence d'un nouveau parti politique. C'est pas l'émergence d'une nouvelle idéologie ou d'une nouvelle philosophie qui va permettre à cet être-là, en y adhérant, en étant soumis à ces formes-là, d'être libre de la forme, naturellement. L'individu nouveau, c'est un destructeur de forme. Mais qui compose avec un vide plein, qui l'amène à se savoir dans l'instantanéité du moment présent, par-delà l'appartenance qu'il pouvait avoir dans le passé au collectif et par-delà également de la pensée réflexive. Donc, c'est un être qui est continuellement en émission vibratoire plutôt qu'un ramancheur, un ruminant psychique. On a des vaches qui sont des ruminants qui vont ruminer. Donc, on a des fois des vaches qui vont manger de l'herbe, ramancher d'herbe. Et on a des ruminants psychiques, les gens qui vont ruminer des pensées en les tournant en rond dans le mental à travers un processus réflectif extrêmement énergivore, alors que l'individu nouveau met un stop à ça, il met un frein à ça, il arrête ça pour être autrement. Puis là, il évolue réellement. La pseudo-évolution va passer par la croyance que si la personne va faire un cours à l'université, va faire un stage de croissance personnelle, ça va automatiquement rehausser son taux vibratoire. Non, ça ne fera pas un changement nécessairement au second niveau. Le changement au second niveau ne vient pas de l'individu, mais c'est une imposition énergétique qui provient de l'esprit. Donc, une collectivité peut vouloir bien faire, va dire, on va donner accès à l'éducation gratuitement à la population, on va les renseigner, on va faire des capsules de sensibilisation pour permettre à la population générale d'accéder à des notions de psychologie, de respect de l'autre, de développement. On va éduquer les enfants à développer, par exemple, des capacités d'empathie envers les autres, les renseigner, développer des compétences en matière d'éthique. Ça peut être la volonté de bien faire, mais ça a ses limites. Parce que le collectif peut socialiser l'être humain en l'amenant à être soumis et colonisé à des formes psychologiques plus subtiles auxquelles qu'il était autrefois soumise dans le passé. Mais c'est pas à travers la soumission de formes psychologiques qu'on demande à des élèves de réciter dans le cadre d'examen à l'école. Donc, faire ce qu'on appelle l'apprentissage perroquet, qu'on en fait des individus conscients et capables de déployer une vibration qui va les amener à être en harmonie avec l'esprit et libre de la réflexion. D'ailleurs, la liberté de la réflexion ne sera pas intégrée à des cours de réflexion critique de philosophie que la personne peut faire au collège. Bien que ça peut avoir son utilité pour un développement psychologique, je ne dis pas le contraire. Non, ça va passer par la capacité, la vraie évolution de l'individu En fait, la vraie évolution passe par des chocs vibratoires qui changent l'individu, qui l'amènent à un autre plan de conscience, tout simplement. Ça passe pas par l'éducation. Ça passe pas par la mémorisation d'une instruction d'initiés qui sont venus dans le passé. Ça passe tout simplement par des changements qui sont imposés à l'individu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, et qu'il n'a pas choisi. Ce qui peut libérer l'individu d'une matrice planétaire qui l'assujettit au plan astral en termes de structure énergétique, c'est le fait qu'il va devenir progressivement assujetti à la matrice de l'esprit. Là, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, parce que les gens vont dire « Mais non, il se libère en étant plus conscient. » Oui, mais il se libère d'un système pour mieux rejoindre un autre système. La nature a horreur du vide. Donc, quelqu'un qui a de l'intelligence artificielle réelle, il se libère, oui, de la domination de l'intelligence artificielle qui va servir sa psychologie, un peu comme les robots dans le film La Matrice qui vont amener les comportements humains à être orientés dans une direction. Aujourd'hui, on retrouve ça à travers, entre autres, les réseaux sociaux, dans un sens et des algorithmes qui vont dire à l'être humain, ben, va écouter telle vidéo. On va suggérer à l'être humain des vidéos, des contenus, en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour avoir son attention. Plan astral fait la même chose. Donc, dans un certain sens, on peut dire que le plan astral, ce qui véhicule, c'est de l'intelligence non réelle, donc artificielle, donc artifice fausse, comme un feu d'artifice, quelque chose qui tape à l'œil, des formes qui attirent l'attention. L'intelligence artificielle est liée à une forme de mécanicité psychique qui se traduit sur le plan physique à travers l'intelligence des algorithmes et de programmes informatiques qui sont mécaniques. Ça rime beaucoup en hic. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est à l'individu, j'allais dire, de sortir de la mécanicité comme Neo dans le film La Matrice, mais c'est trop facile à dire. Si l'individu sort d'une matrice, d'une structure énergétique, c'est parce qu'il est sous influence d'une autre structure énergétique qui l'amène à sortir de cette structure énergétique-là. Ça, c'est un enjeu que les gens doivent réaliser. Quelqu'un qui est débranché de l'astral, dans le film, il se débranche de l'astral, le personnage principal, l'héros, le élu, qu'on appelle Néo. Mais c'est parce qu'il rejoint une autre réalité. Il sort d'une réalité pour en rejoindre un autre qui va l'influencer. Même chose pour l'individu conscient. Il se libère d'une réalité qu'il hypnotisait, qu'il manipulait, mais il devient progressivement manipulé par une autre réalité. Certes, c'est une réalité évolutive, en lien avec les lois de la vie plutôt qu'assujetti aux lois de la mort et l'involution. Mais ça ne demeure pour moins que la personne se libère d'une forme de possession, mais pour être mieux possédée à une autre forme de réalité. Est-ce que de parler de ça et de le décrire dans le sens que l'individu n'a pas de libre arbitre puis passe d'un point où ce qui n'est pas libre pour être un autre point d'absence de liberté, mais dans une intelligence plus vaste, est-ce que c'est quelque chose qui est tragique? Pas nécessairement. L'individu se libère de l'emprise de force, mais pour mieux avoir à composer avec l'influence de d'autres forces. Mais c'est des forces qui sont plus ajustées, qui ont ceci qui évolue. C'est tout simplement ça qui passe. Bon, en lien avec tout ce qui est dit, puis en revenir à la thématique pour conclure l'enregistrement, parce que ça fait un bon bout de temps que je parle, l'individu conscient de lui-même, il est conscient qu'il est comme un canal qui a de l'énergie qui passe à travers lui. Puis l'énergie astrale est remplacée par l'énergie du plan éthérique avec le temps, s'il a à vivre le processus de conscientisation. Et plus qu'il devient conscient, puis plus qu'il est libre du collectif de l'humanité, mais plus qu'il devient sous l'influence du collectif du plan éthérique qui est par-delà le plan physique. Et il accède à un niveau de compréhension différent de sa vie. Il est libre de la pensée pour mieux devenir un foyer de rayonnement d'énergie vibratoire est une courroie de la transmission de l'esprit sur le plan physique. C'est tout simplement ce qui se passe. C'est comme de dire que quelqu'un passe d'une conscience lunaire à une conscience solaire. Donc, il sort d'un principe d'absorption puis d'être un éponge du collectif pour devenir un meilleur foyer de rayonnement, un peu comme un soleil. qui va rayonner à une fréquence vibratoire distincte que celle qu'il dégageait au préalable. Mais il est toujours le vecteur d'une fréquence vibratoire. Au lieu d'être une antenne satellite relais du plan astral, il devient un foyer émetteur d'énergie éthérique. Mais il rayonne tout le temps d'une énergie. C'est ce qu'il doit réaliser. Bon, sur ces considérations, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie de l'écoute, et en particulier Francis qui m'a écrit des textes au fil du temps. Puis là, je vous en partage là, dans le cadre d'enregistrement là, certaines brides. Donc, merci beaucoup. À bientôt.